Bonjour, c'est Jean Lebrun. Je vous propose, en bonus de notre série consacrée au sionisme, une archive en longueur. C'est un enregistrement d'André Voisin dans sa très belle émission Les Conteurs. Il avait rencontré Jacob Zvour. Jacob Zvour est un vétéran du sionisme. Il était déjà dans le foyer national au début du XXe siècle. Il a combattu dans les groupes armés du foyer national en 1929 et il a été après l'indépendance ambassadeur d'Israël en France. Mon sentiment est que le patriotisme, ce n'est pas quelque chose, l'amour abstrait pour la France, pour chez vous ou pour Israël chez moi. C'est l'amour d'un coin d'où l'on est sorti, auquel on est attaché. Pour moi, le patriotisme, c'est mon coin de Jérusalem. Quand le gouvernement britannique avait proposé à l'organisation sioniste, au lieu de la Palestine, qui paraissait en ce moment-là, en ce temps-là, inaccessible, on avait proposé un État juif, n'est-ce pas, une colonisation juive plutôt, dans l'Ouganda. Or, l'Ouganda d'alors, c'est le Kenya d'aujourd'hui. Comme Herzl était désespéré, 1903, c'était les terribles pogroms de Kishinev en Bessarabie. Alors, Herzl s'est dit, bon, acceptons cela. Au moins, on nous offre quelque chose. Mais alors, la grande majorité des sionistes n'en a pas voulu. Malgré Herzl. Et au congrès sioniste qui a eu lieu alors à Bâle, presque la moitié du congrès a quitté le congrès en déclarant jamais nous n'échangerons la Palestine pour un autre territoire, quel qu'il soit. En ce temps-là, Weizmann faisait ses débuts en Angleterre. Il était chimiste, un grand savant. Je l'ai d'ailleurs bien connu beaucoup plus tard. C'était une figure impressionnante, vraiment. Il a été reçu par Lord Balfour, par... celui qui était Arthur James Balfour n'était pas encore Lord à l'époque. Et en parlant, Balfour lui a dit, mais enfin, pourquoi ne voulez-vous pas d'Afrique? C'est tellement plus simple, le pays est vide. La réponse de Weizmann a été, Monsieur le Président, Jérusalem était notre capitale quand vous pâturez encore des porcs à Londres. Voyez-vous, Weizmann avait été le vrai leader du peuple juif et du sionisme entre les deux guerres. Oui. Il n'avait pas la vie facile, ni avec les Anglais, ni avec les Arabes, mais encore moins avec les Juifs. Il avait une seule idée, c'est de gagner du temps. De gagner du temps et de gagner des forces. C'est-à-dire encore des Juifs en Palestine, de nouveaux villages, de nouveaux quartiers, de nouvelles villes, devenir une force économique en Palestine, et entre-temps même plier les Chines, mais pas entrer en conflit avec les Anglais, autant que possible. Il était en opposition à Herzl, notamment sur l'affaire Ouganda, mais aussi... Il demandait depuis le début qu'on pose l'accent sur le travail pratique en Israël, tandis que Herzl voyait surtout le contact diplomatique. Oui. Et c'était là le conflit entre les deux. Vous savez que Weizmann est né dans un petit village en Biélorussie qui s'appelait Motol, et que il a grandi dans une famille du ghetto, évidemment. Il parlait à perfection toutes les langues, notamment le français, puisqu'elle a étudié à Genève, mais tout cela avec un accent yiddish. Ça s'est resté en lui. Tandis que Herzl était un homme de l'Occident. Avant d'avoir publié son État juif, il n'a jamais connu un vrai juif du ghetto. Et alors Weizmann disait... Qu'est-ce que vous voulez? Il l'a dit dans un de ses discours, Herzl était un aigle. Il planait sur la réalité juive. Il les voyait à vol d'oiseau. Moi, j'étais un poulet qui marche dans la basse-cour juive. Je le connais. Mais c'était un grand personnage. Je considérerais toujours comme un des privilèges de ma vie de l'avoir connu. Chez nous, ici, dans ce petit coin, à nous, 1929 a été le tournant également. Il y a eu ce qu'on appelait les événements, pour user d'un euphémisme, oui. C'est-à-dire les attaques arabes de 1929, d'août 1929, le massacre de Hebron, où les Arabes ont massacré tous les Juifs qui avaient vécu là pendant des générations, les massacres de Safed, la lutte de Jérusalem et les attaques contre les villages isolés. C'était la première attaque organisée, oui, concertée. Concertée des Arabes contre les Juifs. En 29, au mois d'août, je me trouvais à Tel Aviv et j'ai été mobilisé pour la Haganah, c'est-à-dire pour la défense de la ville. Et je passais mobilisé 10 jours. Je ne sais pas si vous connaissez Tel Aviv, mais vous connaissez sûrement la place Dizengoff, qui est aujourd'hui le grand centre bouillant de Tel Aviv, où il y a tous les hippies et tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? C'était alors la frontière nord de la ville. Et moi, je passais 10 jours dans la cour d'une école. Nous étions une vingtaine à garder la frontière, la limite nord de Tel Aviv. Devant nous, c'était des sables. Il y avait 2 revolvers sur toute la compagnie. Et nous autres, on avait des bâtons. Mais c'était un peu symbolique à la situation à laquelle nous étions, tout de même une poignée d'hommes contre une masse arabe et bien armée déjà, oui, à ce temps-là. Et c'est alors qu'on s'est rendu compte, d'abord, qu'on ne peut pas compter sur les Anglais, que le gouvernement ne nous protégera pas, ni le gouvernement, ni la police. Et qu'il fallait se préparer à une lutte. Ensuite, et c'est peut-être là que pour la première fois on s'en est rendu compte, que le temps presse. D'autant plus que 4 ans plus tard, en 1933, Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. Et alors évidemment, ça a changé toute la destinée du peuple juif. Le sionisme n'était plus un rêve d'idéaliste, mais la Palestine devait devenir un refuge. Et nous qui avons vécu, évidemment, maintenant quand on y pense, cela nous semblait incroyable. On savait bien qu'il y avait des gouvernements antisémites en Roumanie, ou en Pologne, mais même ceux-là se cachaient encore. Mais ici, voilà que vient au pouvoir un gouvernement qui professe ouvertement l'extinction des Juifs. Et alors, on savait que désormais, c'était une question de temps. Il faut agir vite. Or, on avait le gouvernement britannique qui nous retenait. Et en 1936, alors une véritable révolte arabe s'est déchaînée, avec une grève qui a duré 3 mois, grève générale, et des attaques de tous les côtés, sur chaque quartier isolé, sur chaque village isolé. On n'était jamais sûr quand on passait sur la route. Et pas de protection. Et oui, il y avait une protection anglaise, mais timide, Et évidemment, on savait, les Arabes auront toujours raison, n'est-ce pas? Et c'est alors qu'on est entré en guerre. Et si vous voulez, c'est cette guerre qui nous a donné la force et qui a fait de nous une nation. Dieu sait ce que nous serions devenus si la vie était facile pour nous. Mais d'ailleurs, ce risque, nous ne l'avons jamais réellement couru, parce que cette terre est une terre dure, ingrate, érodée par des siècles, parce qu'il n'y a pas d'eau dans ce pays. Rappelez-vous, il y a eu en 1938 une conférence à Évian qui devait déterminer le sort des réfugiés d'Allemagne. La conférence a duré 6 semaines. Il y avait tous les pays du monde qui ont participé. Aucun, sauf la République dominicaine, n'a déclaré « Très bien, j'accepte 10 000 réfugiés ». Le gouvernement dominicain était le seul. Ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Amérique n'ont pas ouvert les portes aux Juifs qui devaient fuir l'Allemagne. Et nous, nous avons accueilli dans ce pays, avant la Deuxième Guerre mondiale, quelque 60 000 Juifs allemands, ou plus. C'est Jérusalem que je trouvais en venant ici. C'était un peuple juif différent de celui que je connaissais, n'est-ce pas? Dans les ruelles de la vieille ville, vous trouviez des juifs venant du Boukhara, venant de Perse, du Yémen, les juifs séfaradis, c'est-à-dire parlant espagnol, des juifs d'Afrique du Nord, des Marocains, des Maghrébins, comme on les appelait ici, des juifs du Caucase. Vous savez, un de mes amis a dit un jour, en décrivant la Jérusalem d'alors, est-ce que tu crois que c'est une ville? Mais non, c'est une fédération de villages, parce que chaque quartier avait une manière, avait une synagogue à soi, avait une vie propre.